بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كور نيميرو 1 طغب يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أنعمه علينا كثيرة ونسأل الله عز وجل دي نومبرو بيانفيت كي نوز أوكتخوا. Et parmi ces bienfaits, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait facilité cette grande ni'ma qui est de prêcher dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de talab al-ilm, les choses par lesquelles ou dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala y a mis un rahmah dans le hal du mad'ou et du da'i, dans laquelle il a mis une miséricorde pour celui qui appelle et pour celui qui est appelé. Comme qala jalla wa ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, et nous ne t'avons envoyé à Muhammad qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Et la chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager sur lequel repose cette miséricorde là, c'est la science, ma'ruf, c'est la science et l'ilm. Comme قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. C'est celui qui a envoyé son les messagers بالهدى والهدى معروف الهدى معروف كما قال العلماء سي نعم العلم النافع هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو العمل الصالح. Donc العلم النافع la science utile que Allah سبحانه وتعالى par laquelle a envoyé son messager c'est celle qui est basée sur la miséricorde. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Donc celui qui نعم étudie كذلك appel se voit inshallah qualifié par cette ce critère, le critère de la miséricorde sur lequel se base la chose dont ils prennent soin et se préoccupent qui est la science. Tamam, il se fait une miséricorde à lui-même en enlevant le jahl, tamam, l'ignorance qui est en lui, et kazalika aux autres en épargnant les autres du mal, c'est-à-dire que il s'est prémuni du mal de son nefs parmi les ambiguïtés, il ne fera pas, inshallah, de tort aux autres. Et ceci est une rahma pour les autres. Donc en introduction de cela, c'était pour, inshallah, on va poursuivre sur ce qu'on était, on s'est arrêté, c'est-à-dire dans le dévoilement de Al-Minhaj de Sheikh Ubaid, Hadahullah, face aux Qawa'id al-Fiqhiyah. Après qu'on ait pu voir des grands Qawa'id, comme Ad-Darura, Tubih al-Mahdhurat, wa kadhalika la wajib ma'a al-Ajz, وكذلك المشقة تجلب التيسير. Toutes ces قواعد qui découlent sous la grande قاعدة comme on a pu voir جلب المصالح ودر المفاسد. Donc inshallah on va poursuivre dans ce cours là sur la mauvaise application de Cheikh Ubaid et le dévoilement de son minhaj face aux qawaid al-fiqhiyya et l'ashiyama, et notamment dans la qaïda qui est Jalb al-Masalih wa Dar al-Mafasid. Donc parmi les fatawas qui ont été observées à Ubayd al-Jabiri, Hadahullah, et ces fatawas qui sont mukhalafa lil-qawaid al-islam sont kathira. Inch'Allah, parce que on va se contenter inch'Allah de ce cours-là, où là, celui qui veut retourner et qui comprend l'arabe, il retourne au livre de notre cheikh Abu Hatim, Yusuf al-Jazairi, dans lequel il a rédigé un ouvrage, dans lequel il a compilé beaucoup de fatawas, dans lesquels il a démontré l'égarement qu'il y a à Cheikh Ubayd face au Qawaid al-Fiqhiyya, dans un livre intitulé Hujjaj al-Kashifa, An Fitnat al-Jabiri wa Dalalatihi al-Za'ifa, dans un livre qui fait plus de 600 pages, donc on ne va pas faire tout le livre, c'est juste histoire de qu'on puisse voir à travers ces fatawas, après avoir eu la science et connaître les normes et les conditions de certains qawaid, afin de voir vraiment que ce shir là n'a vraiment peu de connaissances dans les sujets que il est demandé au tullab al-ilm, sans parler des gens de science, de bien cerner, de bien cerner. Donc parmi les fatawas qui ont été observés à Ubayd al-Jabiri, qui sont mukhalif des qawaid qu'on a pu voir précédemment, une fatawa dans laquelle le shir, il autorise aux prêcheurs de pouvoir passer et se présenter dans des émissions de télé. Haoul al-Buruz al-Tilfaz. حيث قال هداه الله فنسخ الصورة والاحتفاظ فيها هذا محل كلام أهل العلم. Dans lequel lui a été posé une question concernant le jugement de ceux qui se présentent dans les émissions télévisées, dans lesquelles ils propagent la science. Cheikh, il a dit, le fait de conserver les photos et les vidéos, il dit ça c'est le point de divergence, ou plutôt il y en a, c'est le point sur lequel s'est arrêté le jugement des Ahl al-Ilm, c'est-à-dire que le fait que tu conserves une image, ma'ruf, les images c'est muharram fi l'islam, comme qu'a dit le Nabi sallam dans le hadith d'Ibn Mas'ud, la'ana Allah al-musawwirin. Allah il a maudit ceux qui font des images, des photos et des vidéos, tamam, c'est un hadith qui est global. Donc il dit le fait de préserver ces images-là et l'akhirihi, tamam, l'émission, si jamais elle est enregistrée, le fait de les mettre dans les archives, il dit ça c'est une chose qui est quoi? C'est mahal le jugement, c'est-à-dire c'est sur ce quoi s'est arrêté le jugement des ahl al-ilm pour dire que c'est haram. Lakin qala lakin aqul alladhina yuzhiruna fil tilfaz min al-mawsufin bil ilm wal fadl hawla yaqsuduna al-thani yaqsudun manfa'at an-nas wa la tathrib alayhim insha Allah ta'ala. Dans une cassette qui est intitulée Mawqif al-haq min al-mukhalif. Donc il a cassé cette fatwa là en disant que quant aux personnes qui se présentent dans ces émissions de télé, leur intention n'est pas que leurs images et même leur visage soient conservés, lakin ils ont une bonne intention, c'est-à-dire de propager la science. Il dit, il n'y a pas de mal et il n'y a pas à blâmer les personnes qui ont ce genre d'intention, c'est-à-dire de passer à la télé, en ayant la condition, pour condition, que ces personnes-là ont l'intention de quoi? De propager la science. De propager la science, et il dit, la tathrib ala man fa'ala dhalika, c'est-à-dire que on ne peut pas blâmer une personne qui a une intention qui est bonne. Dans cette qaïda là, plutôt dans cette fatwa là, on peut observer à travers ce qu'on a pu le voir que Cheikh Ubayd, et ça c'est dans de multiples fatwas, il fait prévaloir yani dans beaucoup de cas al manfa'a, c'est-à-dire le profit et l'utilité, il le fait prévaloir même si jamais le mal il est présent. Car comme on a pu le voir et comme vous pouvez le connaître, le fait de se faire filmer et la khairihi, toutes ces choses-là font partie des choses qui sont parmi les plus grands muharramat dans l'islam. Hatta qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith al-qudsi qala Allah subhanahu wa ta'ala inna min ashaddi an-nas 'adaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Parmi les gens qui seront le plus châtiés, qui auront le châtiment le plus grand yawm al-qiyamah, ce sont ceux qui font des photos. Et kadhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit une photo, il ne la regardait pas d'un visage qui était quoi? Réjouissant. Lakin, comme a dit le hadith min hadith azun Aisha fi sahih al-Bukhari, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma kana yani yanzur aw lamma kana yara as-suwar كان يتغير وجهه كالصفر. Son visage, il changeait totalement. نعم, car il réprimandait les images. Et lorsqu'il voit une image, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas ça. Jusqu'au point que son visage est changé, au point d'être rouge, comme ceci a été décrit dans le hadith. Donc, ma'ruf, le mal, il est présent dans cette fatwa-là, c'est quoi? Le fait de se faire filmer. Le fait de se faire filmer. Et on ne va pas vous rappeler la cause qui a amené le shirk après l'apparition de Adam, alayhi salam. Ma'ruf, c'est la cause qui a ramené le shirk dans le peuple de Nuh, alayhi salam. C'est le fait d'avoir propagé le souwar dans les tombes des salihin, dans les tombes des personnes qui étaient vertueuses. Ensuite, le shirk, il est venu. Petit à petit, ils ont commencé à immensifier ces personnes-là. La photo, elle a été un sabab que le shirk soit venu dans la communauté de Nuh. Donc, ma'ruf, la nuisance qui se trouve dans les assouars. Lakin, ceci n'est pas suffisant à Ubayd al-Jabiri pour se stopper à la fatwa et dire qu'il y a d'autres utilités, il y a d'autres intermédiaires à la khairi pour pouvoir appeler à la religion d'Allah Azzawajal. Lakin, lui, dans ces genres de situations-là, quel que soit le mal, quelle que soit la nuisance, à partir du moment où il y a un petit degré d'utilité et de profit, il le fait prévaloir tamam, à la nuisance qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus flagrante et qui est beaucoup plus dangereuse. Tamam. Kama'ruf, kama ja'a fil hadith, lam yaj'alillahu shifa ummati fima harrama 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas placé le remède de cette communauté-là dans les choses qu'il a interdites. Donc le fait de faire une fatwa telle que celle-là, c'est-à-dire d'autoriser aux gens de ilm de propager la science dans des chaînes télévisées, c'est prendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit comme remède pour la communauté. Et ça, c'est khilaf al-hadith. Ça vient s'opposer avec le hadith qui est sahih. Lam yaj'alillahu shifa ummati fima harrama 'alayha. Ça, c'est une mafsada. C'est une nuisance, le fait que dans tes fatawas, tu te vois t'opposer au adilla min al-kitab wa sunnah, on peut déjà signer et constater déjà le méfait qu'il y a dans ta fatwa, parce que tu viens t'opposer à la rahma. Le din, c'est un rahma, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وما صنك إلا رحمة للعالمين وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الوسائل أربعة. Les choses qui vont te permettre d'accéder à un profit, il se divise en quatre catégories. Parmi ces catégories-là, si jamais le biais qui va te, l'intermédiaire, le moyen qui va t'emmener vers ce profit-là, c'est une chose qui est haram, et même détestable, il dit, à partir de ce moment-là, si jamais l'intermédiaire, le moyen, il est interdit, ou même détestable, il t'est pas permis de t'adonner à cette chose-là, ce moyen-là, afin d'accéder à l'intérêt et au profit, comme on a pu le voir, parmi les conditions pour pouvoir accéder au bienfait et au profit, il faut que, au moindre des degrés, la chose qui te permette d'accéder à cet intérêt-là, ce soit une chose qui soit, qui est mubah, qui est autorisée. Amma al-haram, la chose qui est détestable, la yajouz, comme on a pu voir, al-wasail laha ahkam al-ghayat. Al-wasail laha ahkam al-ghayat. L'objectif, il va prendre le même jugement que quoi? Le moyen, l'intermédiaire qui va te permettre d'y accéder. Donc si jamais la chose, l'intermédiaire et le moyen te permettant d'y accéder, il est haram, cette chose-là, même si jamais à la base, elle est halal, comme c'est le cas de propager la science, si jamais c'est mustahab, le fait que tu as emprunté une voie qui est quoi? Qui est haram, donc l'objectif, qui va, la chose qui est vers laquelle tu voulais aller, Kazalika va prendre le même jugement que quoi? Elle va prendre le même jugement que Naram l'intermédiaire. Al-Wasail laha ahkam al-Maqasid. Comme on a pu le voir dans la Qaïda, Jalb al-Masalih wa Dar al-Mafasid. Donc à partir du moment où on ne prend pas en considération et on respecte pas, on n'observe pas les Wasail, les intermédiaires qui vont nous permettre d'accéder à des objectifs et à des intérêts, ça, c'est d'emprunter la voie, comme on a pu le voir, des mal'ounin min al-yahoud. C'est-à-dire que eux, comme ils disent, tous les moyens, ils sont bons. Tous les moyens sont bons. Peu importe l'intermédiaire et le moyen qui va te permettre d'accéder à une chose, le plus important, c'est d'y arriver. Mais si jamais tu empruntes pour cela une voie qui est haram, le plus important, c'est d'y arriver. Tous les moyens sont bons. Et ça, kadhalika, le fait d'observer dans ce genre de fatwa-là, dans lequel il y a un haram, c'est-à-dire un taswir, et d'autoriser aux gens, aux du'at, il Allah Azzawajal, de passer dans les émissions de télé, en prétendant la maslaha, l'intérêt qui est de propager la science, kadhalika, là, c'est la qa'ida des Yahoud qui a été observée, c'est-à-dire de faire prévaloir, quoi qu'il en soit, l'intérêt, le bienfait de propager la science sans se préoccuper des moyens et des intermédiaires qui te permettent d'y accéder. Donc ça, c'est une voie qui n'est pas légiférée. Celui qui s'identifie à un peuple, il est tel que ce peuple-là. Donc le fait d'observer des qawa'id qui sont connus chez les Yahoud et les Kuffar, le fait de les emprunter, c'est s'identifier à eux. Et ça suffit comme mal. Ça suffit comme mal. وقد قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قد مضى على الناس والقرون وهم في غنى عنها. يعني il parle de la télévision. Il dit des siècles et des générations sont passées avant nous et n'avaient pas besoin de cet intermédiaire là qui est la télé. قال وكانوا في غنى عنها في تعليم والإيضاح وصاروا نعم مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا. Et malgré cela, malgré qu'ils n'avaient pas utiliser ce moyen-là qui est la télé, il dit qu'ils étaient beaucoup plus profitables que nous, ils avaient une science qui était beaucoup plus grande que la nôtre, tout en se passant de cet intermédiaire-là qui est la télé. قَالَ وَمَا دَرَّهُمْ تَرْكَ السُّوَارِ فِي دِرَاسَتِهِمْ وَلَا نَقَصَ فِي مِنْ فَهْمِهِمْ لِمَا أَرَادُ. Le fait d'avoir délaissé cet intermédiaire-là qui est la télé, il dit que ça n'a rien diminué à la science de ces personnes-là. كَذَلِكَ ça leur a pas apporté une nuisance. قال ولا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التسوير لظننا أنه ضرورة وليس بالضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنها. Il dit, il ne nous est pas autorisé de faire des péchés et de prendre des intermédiaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit, tout en prétendant que il y a dans ces choses-là, dans ces intermédiaires-là qu'on a emprunté, dont Allah subhanahu wa ta'ala interdit, il dit que dans ces choses-là, il y en a les prétendus qu'il y a quoi ? Une nécessité. Et il dit, il n'y a pas de nécessité, car on a pu le voir à travers les générations qui nous ont précédés, qu'ils n'avaient pas besoin de cet intermédiaire-là. Donc ça, c'est la fatwa sahiha, la fatwa sahiha, qu'il était demandé dans ce genre de situation d'émettre, et non pas de dire, tu passes à la télé, et parce que tu as une bonne intention. La bonne intention ne change pas le haram en halal. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد الخير لا يدركه. Combien de personnes ils intentionnent le bien, lakin quoi, نعم, ils n'y arrivent pas. Quand il avait évoqué ce jugement là aux personnes qui faisaient du tasbih avec des cailloux, le fait de faire le tasbih, c'est une bonne chose, lakin de prendre l'intermédiaire des cailloux, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les cailloux étaient moujoud, ils étaient présents à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin malgré cela, il n'a pas étudié ce genre de choses là. Donc prendre l'intermédiaire de faire du tasbih avec des cailloux, c'est une chose qui est quoi ? Une bid'a dans le din. Pourquoi ? Parce qu'il était présent à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait. Donc, de prendre des intermédiaires qui sont interdits, comme qu'a Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, même si jamais tu as une bonne intention, cette bonne intention-là, elle ne fait pas de l'intermédiaire qui est interdit, un intermédiaire qui devient quoi ? Halal. Qui devient halal. Et les personnes, on ajoute à cela avant d'oublier, les personnes qui font prévaloir, quoi qu'il en soit, les moyens et les intermédiaires qui vont te permettre d'accéder à une chose qui est même douh, une chose qui est profitable dans le din, sans se préoccuper est-ce que cet intermédiaire là il est halal ou bien il est haram, ça c'est tel à la personne qui vole pour donner une sadaqa. Il a une bonne intention, c'est de donner une aumône, lakin il emprunte pour cela quoi, un chemin qui est quoi, qui est haram, c'est-à-dire il vole. On lui dit pourquoi tu voles, il dit je vole parce que j'ai une bonne intention. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux donner une sadaqa. Est-ce que c'est cette bonne intention-là, du fait de voler une chose qui est honorable, ça ne fait pas de ça une chose qui est honorable. Et ma'ruf, comme on a pu le voir, les choses qui sont haram, comme c'est le cas du taswir, on a pu voir que le haram, il y a un qasim ou la qismain. Haramun li zatihi wa haramun li ghayrihi. Un haram qui est interdit en lui-même, comme c'est le cas de l'maïta et l'akhirihi ou le taswir. Et kazalika, un haram qui est interdit, pourquoi? Parce qu'il ouvre la porte à d'autres harams, comme c'est le cas de regarder une femme et la khiri, parce que ça peut ouvrir la porte sur zina. Ad-daroura, ou plutôt yani dans ce cas-là, c'est-à-dire pour pouvoir autoriser de se faire filmer. filmer qui est une chose qui est haram li dhatihi. C'est-à-dire il faut que tu aies faut que tu atteignes le stade de la darura, de la nécessité qui est extrême, parce que c'est la darura, comme on a pu voir dans la qaïda, qui autorise les choses qui sont interdites en elles-mêmes. C'est-à-dire que pour pouvoir passer à la télé, si jamais on laissait entendre qu'on pouvait le faire, il fallait au moins que les personnes qui passent dans ces émissions télé, ils atteignent le stade de la darura, parce que c'est la darura, le cas extrême, qui autorise les choses qui sont haram, les dhatihi. Et comme on a pu le voir, la darura, c'est lorsque tu arrives dans une phase où, si jamais tu ne le fais pas, tu vas mourir. Est-ce que c'est le cas pour la personne qui propage la science? Là, il peut très bien propager la science par d'autres voies. Ou alors, si jamais il ne le fait pas, il est sûr, il va mourir dans les jours à venir, ou bien il aura une grande difficulté qu'il ne pourra pas supporter. Ces trois choses-là, c'est ma'ruf, ce sont les dawabit, les normes pour connaître la darura, qui ne sont pas présentes dans quoi? Qui ne sont pas présentes dans le fait de prétendre passer à la télé afin de propager la science. C'est pas un cas de nécessité. C'est pas un cas de nécessité. Et laissons entendre que si jamais ça aurait été un cas de nécessité, ma'ruf, comme on a pu voir, parmi les shurut de la darura, il faut que tu ne trouves pas un intermédiaire et un moyen qui soit quoi? Qui soit autorisé. Qui soit autorisé. Et ma'ruf, pour propager la science, il y a d'autres moyens qui sont autorisés, comme c'est le cas de Internet, comme c'est le cas des livres, comme c'est le cas de al-liqa'at, même les rencontres. C'est-à-dire de voyager dans un autre pays afin de faire da'wah et la khairihi, il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont présents dans ce siècle-là, tamam, qui, même si jamais on aurait laissé prétendre qu'il y a un cas de darura et c'est pas le cas, eh ben, il y a le halal qui est moujoud, tamam, le halal il est moujoud, donc il te permet pas de pouvoir t'adonner à la chose qui est haram, c'est-à-dire de passer dans l'émission qui sont les émissions télé, dans lesquelles il y a taswir, qui fait partie des choses les plus interdites, il y en a dans le degré d'interdiction et des plus grands dans l'islam. Ma'ruf, il y en a comme on a pu le citer à travers les hadiths. Ça, c'est pour nous dire que Ubayd al-Jaber est dans ces choses-là, il n'a pas cerné le mal. Lui, c'est quoi qu'il en soit, c'est comme la qaïda des Yahoud al-Nasara, il y en a la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Aham Mouché, le plus important, c'est que tu propages la science, même si jamais, pour cela, tu perpétue les choses qui sont haram. Et qu'à les cas, il y a un mal, il y a un grand mal dans le fait de passer à la télé. Car c'est ma'ruf, ces émissions de télé-là, c'est pas des émissions de télé qui sont, naram, comme on pourrait dire, 100% salafiyah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un salafi qui donne, un cours. Demain, c'est un ikhwani. Après-demain, c'est un takfiri. Donc, 4 jours, c'est fulan et l'akhiri. Donc, toi, t'es en train de faire une da'wa dans une chaîne qui n'est pas connu pour la pureté, observer la pureté dans la propagation de la science. Donc là, tu es en train de faire une da'wah. Aujourd'hui, tu passes à la télé, tu fais de la pub pour cette chaîne-là, et demain, c'est pas toi. C'est un ikhwani qui va venir. Donc aujourd'hui, je prends la aqida d'un salafi, demain, le fiqh d'un ikhwani, après-demain, je prends dans l'héritage d'un takfiri, il a khirihi. Donc là, il y a un mal. Il y a un mal, c'est-à-dire que tu prends la science des personnes qui sont pas aptes et habiles à pouvoir prendre la science de ces personnes-là, sans compter que des muharramat qu'il y a dans ces émissions de télé, car elles ne sont pas exemptes de pubs. Et les pubs, ma'ruf, yani, soit c'est une femme qui va passer pour vendre de l'huile, ou bien tu vas entendre de la musique, et la khairihi, il y a des mafasides qui sont kathiran dans ces choses-là. Ça, c'est sans parler de quoi? Du haram qu'il y a dans le fait de se faire filmer. Donc, il y a un mal qui est beaucoup plus grand. Et comme on a pu le voir, lorsque le mal il est beaucoup plus grand, tu dois le faire prévaloir à l'intérêt, même si jamais l'intérêt il est prétendu, à partir du moment que le mal il est beaucoup plus grand, tu dois le faire prévaloir, comme on a pu le voir dans la qaïda jalb al-masalih wa dar al-mafasid, comme a dit Jalla wa Ala fil khamr wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Lorsqu'ils avaient posé la question au sujet du khamr, Allah Azza wa Jalla il a jugé qu'il y a dans le khamr, dans le vin, un bienfait et un mal. Lakin l'a dit quoi? Le mal il est beaucoup plus grand que le bienfait. Donc il faut s'en écarter. Il faut s'en écarter, comme on a pu le voir. Les mafasid, à se diviser en deux. Il y en a qui sont khalisa, et il y en a qui sont quoi? Qui sont rajih, majeurs, et il y en a qui sont total. Donc ça, c'est une des fatwas, qu'est-ce que les cas qui nous montrent qu'il est observé beaucoup dans les fatwas de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hadahullah, le fait de faire prévaloir quoi qu'il en soit l'intérêt, et sans prendre en considération du mal et des méfaits qui peut y avoir dans l'autorisation de ces choses-là. كذلك من فتاوي إلى autorisé دراسة الكتاب والسنة في الأماكن الاختلاطية. Que tu peux prendre la science dans les universités dans lesquelles c'est ma'ruf, yani qui sont connus, dans lesquelles il y a de la mixité, hein, dans lesquelles il y a la mixité. Pourquoi? Car une personne de la Libye lui a posé une question, lui disant: إذا تخرجت من هذه الجامعات, yani il était étudiant dans une université, il dit: si jamais je sors diplômé de cette université, في احتمال كبير جدا أني سوف أقوم بتدريس فيها في الجامعات وفي اختلاط. Il dit: si jamais je sors diplômé de cette université, il y a de fortes chances et plutôt fortes probabilités que je sois par la suite employé dans cette université-là pour donner des cours. Cheikh Yani lui a posé la question: est-ce que c'est possible, après cela, de pouvoir donner des cours dans cette université dans laquelle il se trouve de la mixité? Faqala Cheikh Ubaid al-Jabiri, faqala in istata'ta an ta'mura bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tudarris at-tauhid wa sunnah fa'al. Il dit: à partir du moment que tu as la possibilité d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable et de propager le tawhid et la sunna, fais-le. Donc là, kadhalika, comme dans la fatwa qu'on a pu citer précédemment, il a été prévalu kadhalika l'intérêt sans se préoccuper du mal et de la nuisance qui peut y avoir dans ce genre de situation là. Yani comme قال نعم اليهود, ils disent: نعم الغاية تبرر الوسائل. الغاية تبرر الوسائل, يعني tous les moyens sont bons en français, comme ils disent. Et معروف, يعني le fait de rester dans des coins de mixité, ça ouvre la porte à tomber dans la turpitude et l'akhirah. Comme قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. Il a dit: ne vous approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit: ne forniquez pas, ça c'est une chose qui est haram. Lakin, ne vous approchez pas, c'est-à-dire évitez les endroits et tous les moyens qui vont vous amener à quoi? À y ouvrir la porte, y aller à la fornication. Et parmi ces choses-là, la mixité. La mixité, c'est une cause parmi les causes qui t'amène et qui t'ouvre les portes à cette turpitude-là. أعاذني الله وإياكم منها. وكذلك من حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العين يزني وزينته النظر. Il a dit, le Nabi sallam, que كذلك l'œil يعني يزني, il fournique. Il dit: la fournication de l'œil, si on peut traduire ça comme ça, c'est le fait qu'il regarde. Donc le fait d'inciter les gens à la mixité, c'est d'inciter, quoi qu'il en soit, parce que tu n'es pas à l'abri de baisser le regard. C'est-à-dire que là, tu incites les personnes à ce qu'ils regardent. Il y a des personnes qui sont quoi? Étrangères, dont il n'a pas droit de regarder ni de parler avec elle. Et kazalika, le Nabi sallam, il appelait ça zina. Pourquoi? Parce que c'est un intermédiaire et c'est une cause qui peut ouvrir la porte à quoi? À zina. Donc le fait d'autoriser ce genre de fatwa-là, c'est-à-dire d'enseigner les sciences du tawhid, même si jamais elles font partie des plus nobles des sciences, d'enseigner le tawhid et la sunna dans des coins qui sont ikhtilatiyya, tamam, ça kazalika, c'est de faire prévaloir l'intérêt lorsque le bienfait, plutôt le méfait, et la nuisance, elle est beaucoup plus grande. Et ma'ruf, iza ta'arada mafsada wa maslaha tuqaddamash al-mafsada. Lorsque un intérêt et une nuisance s'y opposent, tu fais précéder, si jamais tu ne connais pas lequel des deux est prévalu, et ben tu fais précéder quoi, barakallahu fikum, le mal. Car le mal, l'islam, il est venu d'une manière, et plutôt il s'est préoccupé d'une manière qui est beaucoup plus grande, d'interdire et de mettre à distance les ibad, les serviteurs du mal, qu'il l'a fait pour les intérêts. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. Dans ce hadith là, le Nabi sallam dit: lorsque je vous interdis une chose, écartez-vous. Il n'a pas dit: lorsque je vous interdis une chose, faites du mieux pour vous en écarter. Donc à partir du moment où tu trouves l'interdit, tu dois t'en écarter. Tu dois t'en écarter. Et ils disent, comme l'ont déduit, ou plutôt comme l'a déduit Ibn Nujaym et d'autres sont venus et ont appuyé cette déduction, c'est que dans ce hadith-là, il est montré que l'islam, il est venu et il a donné une considération et s'est préoccupé d'une manière beaucoup plus grande des choses qui sont haram afin de mettre à distance les ibad que des choses qui sont quoi que des intérêts. Par rapport à ce hadith-là, dans lequel il a dit Fadutanibu, écartez-vous, même de l'interdiction. Wa qala al-Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah, comme dans Ashrata Silsilat al-Huda wa al-Nur, tam raqm 211, la cassette 211, dans laquelle il dit Nahlu la nujiz al-ikhtilat bi ayyi wajhin min al-awjuh. Il dit nous, on n'autorise en aucun cas la mixité. Qala fa la yajuz hina dhalika at-tadris wa hal fi al-Islam shay'un ismuhu al-ghaya tubarrin al-wasa'il. Il dit quoi qu'il en soit, on ne peut autoriser ces choses-là, c'est-à-dire la mixité. Il dit car on ne trouve pas dans l'islam une chose qui s'appelle quoi? Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Ma'aruf, yani, comme on a pu l'expliquer avec la qaïda des juifs. Donc yani, il faut observer avant tout, est-ce que cet intermédiaire-là qui va te permettre d'accéder à cet intérêt-là, plutôt au profit, est-ce que c'est une chose qui est halal? Est-ce que c'est une chose qui est halal? Si elle est halal, naham. Si jamais elle est haram, ou bien si jamais elle ouvre des portes sur le haram, la yajouz. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah, fa yasubbu Allah adawan bighayri ilm. Et n'insulte pas ceux qui adorent en dehors d'Allah azawajal, car il dit ça va être une cause que ces personnes-là insultent Allah subhanahu wa ta'ala par transgression et par bari, par transgression et par bari. C'est-à-dire que les ulama ont pris comme pour cette ayah-là une qaïda qui est quoi? Que tout mal ou toute chose qui va ouvrir une porte à un mal, elle doit être fermée. Elle doit être fermée, comme c'est le cas de la ayah. Parce que le fait d'insulter ces personnes-là, ou plutôt le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit insulté, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave que d'insulter ces personnes-là. Donc les insulter, ça ouvre la porte à une chose qui est plus grande, qui est quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala se fasse insulter. Donc fermez la porte directement, n'insultez pas ces personnes-là, car sinon ils vont faire un mal qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire d'insulter Allah Azza wa Jalla. Ils ont pris de cette ayah-là une qa'ida pour dire que yani, tout haram ou toute chose qui ramène vers un haram, yusad, c'est-à-dire on ferme la porte à cet accès-là, qui va ouvrir la porte au mal. Donc la kazalika, c'est le cas dans cette fatwa-là. Car le mal, il est grand. C'est-à-dire, az-zina ila akhirihi, t'es pas à l'abri de tomber dans... de que cette personne-là attendent dans al-zina ila akhirihi. Donc il fallait fermer la porte directement et dire trouve-toi un poste dans lequel tu peux appeler au tawhid et la sunnah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, aham mouché, c'est que la baraka elle est mise dans plutôt Allah il va mettre la baraka dans l'obéissance et non pas dans sa désobéissance. Kadalika, parmi ces fatawa qui sont adiba, le fait qu'il a autorisé à une personne de pouvoir étudier la matière de la musique, la matière de la musique, car apparemment, je ne sais pas, yani, il était dans peut-être yani, une faculté de musique ou la akhiriya, la kullihal, dans lequel la matière de la musique, elle avait un coefficient qui était grand. C'est-à-dire que si jamais il se présentait pas à l'examen pour cette matière-là, eh ben, ça aurait été une cause pour qu'il ne se voit pas diplômé de cette université-là et la akhiriya, tamam. Donc là, Ubayd al-Jabiri, dans ce cas-là, il a répondu en disant إذا استطعت أن تتخلص ولا تحضر ولو تدفع مقابلا فأرى أنه يجب عليك ذلك. Il dit si jamais tu as la capacité, la possibilité de pouvoir, de ne pas y assister, ou bien, même si jamais ça, pour cela, yani, tu dois donner, comment ça s'appelle, rishwa, tu as même un dessous de table, afin de ne pas pouvoir. Il assistait, il dit, moi je vois que c'est la chose qui t'incombe à toi. Il dit, voilà, إذا ما استطعت ذلك فليكن قلبك مطمئنا بالإيمان تحضر وتبغض لله عز وجل. Il dit, si jamais tu n'as pas la capacité, donc dans ce cas-là, eh ben tu assistes et que ton cœur soit apaisé par la foi, et tu assistes tout en détestant cette matière-là. Là on peut observer dans la fatwa إذا لم تستطع. Yani, est-ce que le professeur ou bien l'université elle a mis un musaddas, même un pistolet sur la tempe en disant si jamais tu viens pas tu seras mort? إذا ما تستطع. Yani, qu'est-ce qu'il entend par là إذا ما تستطع? Il a tout à fait la capacité, c'est-à-dire de pas venir. Donc yani, le fait de prétendre qu'il y a une possibilité qu'il peut pas, ça c'est faux. Ça c'est faux. c'est la fatwa, c'est tu te présentes pas. La musique, c'est haram. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a réservé, t'a garanti la bénédiction dans les choses qu'il a interdit? Là, لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ شُفَى أُمَّتِي فِي مَا حَرَّمْ عَلَيْهَا. Hadith, il est ma'rouf. Une chose dans laquelle Allah azza wa jal, il a interdit, il ne va pas mettre une baraka et ni un remède. Il ne va pas mettre une baraka et ni un remède. Donc, yani, ça c'est ajib. Le fait de prétendre, si jamais tu n'as pas la capacité. Yani, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas compris encore comment il a pu émettre cette chose-là en disant, si jamais tu n'as pas la capacité. Il n'y a personne qui l'a forcé, il n'est pas contraint d'y assister. Et le plus ajib dans cela, c'est que il a lié cette fatwa-là en disant que tu dois assister tout en ayant le cœur qui a pesé cette ayah-là, les ma'roufa. Nous zilat, elle a été révélée pour les personnes qui sont quoi? Qui sont contraints. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Celui qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ayah, il est expliqué qu'il est possible de mécroire en Allah azza wa jalla lorsque quoi? Lorsque tu es contraint. Avec la condition que ton cœur il soit apaisé par la foi, c'est-à-dire que tu rejettes la chose qui t'ont contraint par ton cœur. Même si jamais tes membres ils ont été contraints de le faire, cette désobéissance-là et cette mécréance, là qu'il ton cœur, il n'y a aucune possibilité que la personne-là qui est en train de te contraindre, il va contraindre kadalika ton cœur. Donc ton cœur doit être apaisé par la foi, c'est-à-dire rejeter cette mécréance-là. Cette ayah-là, elle a été révélée pour ce genre de situation-là, c'est-à-dire lorsque tu es dans la contrainte. Personne n'est dans la contrainte de jouer une note de musique avec de la flûte ou un piano et la kharihit. Hein. Donc ça c'est min ajaib fatawi Ubayd al-Jabri hadahullah. Comme si jamais il avait percé l'étudiant qui a un grand coefficient dans la musique comme une personne qui est quoi? Contraint. Et ça c'est min ajaib fatawi. Et le mal qu'il y a dans la musique, ma'rouf. Le mal qu'il y a dans la musique, il est ma'rouf. C'est un sebab parmi les asbab qui rentre al-nifaq dans le qalb. Comme a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, يقول الغنى في القلب الغنى نعم الغنى تنبت في القلب النفاق كما تنبت الماء البقال. Il dit la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait pousser ou fait sortir les légumes de la terre. Tam kazalika, là on peut voir yani le mal qu'il y a dans cette chose là c'est-à-dire que ça a une porte, c'est plutôt un accès qui t'ouvre la porte à un intermédiaire qui t'ouvre la porte à l'hypocrisie. Tam l'hypocrisie qui te dira que qu'est-ce que l'hypocrisie. Donc le mal, il est beaucoup plus grand que le fait de jouer 2-3 notes de flûte pour avoir un pour être diplômé ou il a akhirit. Il n'y a même pas un intérêt dans le fait d'être diplômé. Je suis diplômé dans la matière de la musique. Et ça, c'est aïb alek. Ou plutôt, cache-toi de d'émettre ce genre de choses-là. Il n'y a aucun intérêt. Ça, c'est si jamais il y aurait un intérêt. Il n'y a même pas un intérêt dans ces choses-là, c'est-à-dire que là, il a fait précéder une chose dans laquelle il n'y a même pas d'intérêt. C'est-à-dire que les ulama, ils sont en train de parler dans des situations là où il y a un intérêt et un mal, là, il n'y a même pas un intérêt. Il n'y a aucun intérêt, zéro intérêt. Et malgré cela, il prétend des intérêts, et il prétend la contrainte, il a khirihi, yani, puis, qui fait des choses qui laissent apparaître, yani, que Shir, il n'observe pas cette chose-là, cette qa'ida-là qui est quoi? Djalb ou dar al-mafasid. Le fait de repousser les nuisances pour les ibad. Kadhalika parmi les choses, min fatawi al-ajiba, et il a autorisé à des enfants, même de assister, c'est-à-dire ceux qui sont en primaire, d'aller à l'école, tout en sachant qu'ils disent qu'il y a de la musique, et kadhalika, il y a l'art plastique et tout ça, yani, dans lesquels ils vont faire des dessins, minzawat al-arwah, dans lesquels il y a des âmes. فقال حضور الأطفال في مثل هذه المدارس ضرورة. تمام ضرورة. Il dit le fait de présenter vos enfants dans ces genres des écoles là, c'est une chose qui est nécessitaire. C'est pour eux une ضرورة. Le fait que les enfants ils se présentent à l'école dans les choses dans des classes dans lesquelles il y a des matières comme la musique et l'art plastique et la chorégraphie. Donc le fait de se présenter pour eux, c'est une daroura. S'ils ne font pas, ils vont mourir. Ou bien ils vont amener à mourir, ou bien mashaqqa, yani la tatahammalunaha. Ça, c'est min hajad kadarika. Fatawi, tamam. Ma'rouf, yani. C'est pas une daroura. Comme on a pu le voir, la daroura, elle est connue. Tamam. La daroura, elle est connue. Donc le fait de prétendre que c'est une daroura, ça nous montre déjà un djihal. Ça nous montre le djihal qu'il a, l'ignorance qu'il a des normes islamiques. Tamam. Et ça fait partie des choses qui sont les plus réprimandables, et surtout pour quelqu'un qui prétend la science et le fait qu'on revienne vers lui pour les fatawa. Comme a dit وذم الله سبحانه وتعالى الأعراب ووصفهم بأوصاف شنيعة فقال جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله عليهم. تمام. Donc dans cette ayah là, Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé les bédouins, ceux qui sont loin des ulama et du ilm, comme étant des personnes qui sont plus prompts à mécroire et kazalika, à tomber dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont le moins de connaissances des normes de l'islam et des définitions de l'islam. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il a pris cette ayah là pour attirer l'attention sur l'importance de connaître les définitions et les normes dans l'islam, car c'est une porte parmi les portes qui vont t'ouvrir la porte à quoi? Naham, à la mécréance et à l'hypocrisie, comme c'est le cas ici. Prétendre une darura dans une chose qu'il n'y a pas. Donc ça, c'est être soit mouraffal, naham, avoir de l'insouciance et ou bien être jahil, ou bien être jahil des normes qui sont relatives à l'islam. كذلك من عجائب فتاوي سئل هده الله عن ممارسة الرياضة في النوادي فيها الصور. Il a été posé la question sur le fait de pratiquer la muscule, faire de la musculation dans des salles de sport dans lesquelles il s'y trouve des souars, des personnes qui pratiquent l'haltérophilie et l'akhirihi, ou bien j'oublie comment ils appellent ça, le culturisme et l'akhirihi. Il y en a comme c'est le ma'rouf, il y en a dans les salles de sport où tu trouves des fois des photos d'Arnold Schwarzenegger et l'akhirihi. Donc ils lui ont demandé est-ce que c'est possible de pratiquer la musculation dans ce genre de salle. فَقَالَ هَدَهُ اللَّهُ الْأَحْسَنَ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِهَا. Le mieux c'est que vous vous contentez de faire ce genre de choses-là dans des coins qui sont meilleurs, ou plutôt dans les coins autres que ces salles de sport. إلى هنا يعني أصابه ثم قال وإذا لم تستطع إلا هنا فما عليك من الصور. Si jamais tu n'as pas la capacité de pratiquer la musculation et le sport que dans ces salles-là ou dans lesquelles il y a des souars, dans lesquelles il y a des images, il dit que tu le fais et tu ne te préoccupes pas, tu ne prends pas en considération les images et les photos qui sont présentes et les affiches qui sont présentes dans cette salle de sport-là. Donc, Kadalika, on observe encore une autre fois cette prétention-là. Là. Si jamais tu n'as pas la capacité, qui t'a mis dans la contrainte et dans la gêne, ou bien t'a posé un pistolet sur la tempe et te dit, si jamais tu fais pas du sport dans cette salle de musculation dans laquelle il y a des photos, on va t'exécuter la khariki. Mais il a l'âme t'astater, c'est hajib. Je pense que la fatwa qu'il a émis, la réfutation a suffi. La réfutation, elle est dans sa fatwa lui-même. Il a l'âme t'astater. Si tu n'as pas la capacité de faire ce sport-là que dans ces salles de sport, yani, tu peux faire des, comme ils disent, des pompes chez toi et la khariki. Yani, hajib. Et laquelle on veut attirer l'attention sur une chose, c'est le fait de d'autoriser de rester dans des coins dans lesquels il y a un haram, dans lesquels il y a du haram. Ce genre de comportement-là, ça fait de toi comme si jamais tu agréais le haram qui est présent et qui est diffusé dans cet endroit-là. Comme l'a dit l'imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah, dans la ayah, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Si jamais tu vois des gens polémiquer dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, écarte-toi d'eux jusqu'à ce que s'écartent de ces sujets dans lesquels ils polémiquent dans le kitab et la sunna. Et dans la ayah, il est dit à la fin, si jamais tu ne le fais pas, vous êtes mithlahum. Même si vous ne le faites pas, c'est-à-dire vous restez. Même si jamais tu polémiques pas, le fait de rester dans une assise dans laquelle il est propagé le haram, il est diffusé le haram, le fait que tu restes, et que tu n'ordonnes pas le ma'ruf, la ta'mur bil ma'ruf wa la tanha 'anil munkar, c'est comme si jamais tu agréais le haram qui est en train de se faire dans cette assise-là. Donc, kazalika, le fait d'autoriser ce genre de pratique, la musculation dans des coins où il y a du haram, c'est-à-dire les images et les photos, les affiches, le fait que tu restes, c'est comme si jamais tu agréais tu agrées que ces photos-là, et ces images-là, ces affiches-là, elles soient, affichés sur les murs et l'akhirihi. Donc ça, ça nous montre, kazalika, le mal. Le mal qu'il y a dans le fait de prétendre plutôt autoriser ce genre de fatwa-là, dans lequel il était demandé de dire écarte-toi de ces salles de sport-là. Il y a beaucoup de coins pour cela. Tu fais ça chez toi et l'akhirihi. Quand le Cheikh Al-Uthaymeen, alayhi rahmatullah, man aqarra ar-radiya bil-fi'l, sahhat nisbatuhu ilayhi. Celui qui agrée une chose ou bien l'approuve, c'est comme si jamais il l'avait fait. Même si jamais tu ne l'as pas fait, tu n'as pas entrepris directement de le faire, le fait que tu l'approuves et que tu l'agrées, c'est comme si jamais tu avais fait cette chose-là. Wa qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hadar al-munkar kafa'ili. Celui qui se présente et qui assiste à un munkar, c'est comme si jamais il l'avait fait. Pourquoi? Parce que le fait que tu restes sans ordonner al-ma'ruf wa la tanha al-munkar, c'est comme si jamais tu étais en train d'agréer. Parce que comme l'a expliqué Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah, qala al-inkar bil-qalb yastalzimu al-mufaraqa. Lorsque tu, ton cœur, si vraiment ton cœur est réprimande et rejette ces choses-là qui est haram, ça va faire et ça va t'obliger de quoi? De quitter ce lieu-là. Le fait que tu restes dans ce lieu-là, et même si jamais tu prétends que tu n'aimes pas ces choses-là, c'est du kadib. Pourquoi? Parce que si jamais vraiment tu aurais été sincère, que ton cœur il aurait été sincère, tu serais parti de cet endroit-là. Pourquoi? Parce que inkar al-qalb yastalzim al-mufaraqa. Le fait que tu rejettes une chose par ton cœur, ça implique que tu quittes les lieux. Que tu quittes les lieux. Qala shi'u qila li shi'r al-Uthaymeen hal yuktafa bi karahat al-qalb duna al-mufaraqa. Est-ce que c'est possible de se présenter dans un lieu où il se trouve, il est diffusé du haram, et que nos cœurs, yani, ils rejettent ces choses-là. Faqala rahimahullah ta'ala, law sadaqta anna qalbaka yakraha dhalika ma baqita ma'ahum wa la farqtahum. Et si vraiment tu aurais été sincère, que ton cœur il aurait été sincère, tu ne serais pas resté avec ces genres de personnes-là, et tu les aurais quittés comme yani fi 40 nawawiyya. Donc, kadhalika huna, c'est le même cas, ou plutôt le même jugement, pour ceux qui assistent, ou plutôt yani ceux qui répondent au fatawa tel que Cheikh Ubaid, dans lequel il dit que si jamais tu n'as pas la capacité de pouvoir pratiquer la musculation que dans des salles dans lesquelles il est affiché le haram, tu peux le faire. Ça, c'est une fatwa qui est vraiment yani, hajiba. Nas'Allah yahdiyahu. Wa kadhalika min fatawi dans Kurat al-Qadam. Dans Kurat al-Qadam, dans le foot, dans lequel il a dit yani, qala annaha balwa. Wa qala naham awasiya bisir al-tilfaz ila qanat ukhra. Dans lequel il a dit yani, le foot, c'est un sport dans lequel il y a une calamité. Et là, il dit je vous conseille de changer de chaîne. Il n'a pas dit de s'écarter de la télé. Lakin change de chaîne, il dit وَشَاهِدْ فِيهَا الْمُحَادَرَاتِ وَالْأَخْبَارِ. Regarde dans une autre émission dans laquelle tu vas profiter des informations et des conférences. Jusqu'ici, yani, ça fait à toi, yani, la basbiha. Sans compter que yani, le fait de dire que tu peux regarder les informations et la khiri. Lakin al-ajib al-ladhi ba'da. فَقَالَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ. Encore une fois. Encore une fois. Ne regarde pas le foot. Pourquoi? Parce qu'il y a une calamité. Il y a ceci, cela. Regarde les informations. Et regarde les muhadaras. C'est beaucoup mieux. Mais si jamais tu n'as pas la capacité. Encore une fois. Yani Rajib. Comment ça? Yani, tu n'as pas la capacité de pouvoir ne pas regarder le foot. Yani, celui qui veut, il ne regarde pas. Il n'a pas été forcé. On ne t'a pas mis encore une fois un pistolet sur la tempe. Et te dire, regarde Chelsea, Manchester. Personne ne t'a forcé à faire cela. Donc, le fait, yani, à chaque fois, le fait de venir casser ces fatwas-là avec ce madlam yastater, celui qui n'a pas la capacité, ça c'est min ajaib. C'est-à-dire qu'il ne sert même pas al-waqi'. Les choses qui sont présentes, qui se passent autour de lui, il n'est même pas au courant. Fa madlam yastater. Qui t'a empêché, qui t'a contraint de regarder la télé ou bien le foot? Personne ne te contraint. Ce n'est pas madlam yastater. Tu lui dis, regarde pas. Intaina, madlam yastater. Ça c'est. Kada les cas. Yani ça nous. Wallah, ça confirme ce que disait Cheikh Yahya Hafidhahullah Ta'ala, annahu la yaslah lil fatwa. C'est une personne qui n'est pas apte à faire des fatwas au fi'lan. Parce que, yani, yajhal al-waqi', fadlan an yakuna 'aliman. Yani, il est ignorant des circonstances et des choses qui se passent autour de lui. On parle même pas de la science, mais des choses dont yani al-alim wal-jahil ya'rifun. Yani c'est que quand tu dis le shams qad tala, le jahil, que le soleil s'est levé, le jahil comme celui qui est ignorant et celui qui est alim, il sait. Tamam? Kazalika, sur le foot, tu poses la question à n'importe quelle personne parmi les gens de din, ils vont te dire, tamam? Ils vont te dire que le foot, yani, qu'est-ce que le foot, et te diront que tu peux délaisser ces choses-là. Tamam? والعجيب كذلك فقال فيها نعم نسيت قال ولا ينظر نظرة تفكه ولا تلذذ لا سيما النساء. Ça c'est من أعجب ما قال بعده. Il dit si jamais il regarde, c'est-à-dire celui qui est contraint à regarder un match de foot, tamam, selon lui, si jamais il regarde, il doit pas le regarder d'une manière ni s'épanouir. Tu dois le regarder avec dégoût, tamam, comme si jamais t'avais mis un pistolet sur la tempe. Tu regardes le match de foot, lakin il faut que ton cœur il ressent un dégoût. Mais qui t'a forcé, yani, si jamais ton cœur doit ressentir un dégoût, yani, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, bah, quitte ce lieu-là, tamam. Yani, regarde le match jusqu'à les 90 minutes jusqu'à la fin, mais avec un dégoût, une répulsion. Yani, ça c'est min hajaib. Wa qala ba'da zalika idi wa la siyam an-nisa. C'est-à-dire que les femmes peuvent regarder, mais si elles regardent, tamam, elles regardent et elles font attention, tamam. Et que, lorsqu'elle regarde le match de foot, il faut qu'elle regarde, mais avec répulsion. Et ça, c'est كذلك من أعجب من قال. وقال كذلك ولا يشجع ولا يعير ولا يسخر من الفريق الأخرى. Il dit كذلك à une condition, mon fils, que lorsque tu regardes le match de foot, tu prends pas le parti pour une équipe, tamam, tu supportes pas une équipe sur l'autre, et كذلك tu te moques pas de l'équipe qui a perdu. Allez, voilà, n'importe qui, si jamais il entend une fatwa comme ça, et ils vont lui dire c'est quelqu'un qui est pointé du doigt, qui est dit mais ahl al-ilm, il va rigoler. Regarde lakin, ne prends pas parti, te moque pas. Yani je sais pas, yani wallah alam kayfa yafassir hada, yani inchallah la sa fatwa c'est une réfutation sur l'imam, tamam, c'est une réfutation sur l'imam. Kadhalika min ajaib yani al-fatawi, dans laquelle il a dit, ou plutôt l'a autorisé, le fait de travailler dans des banques dans lesquelles il y a du riba. السائل قال له يا شيخ شاب له أخ يعمل في المصرف الربوي فهل يجوز لهذا الشاب أن يعمل يعني la question est un peu longue. À la fin il dit, une personne dit, j'ai un frère qui travaille dans une banque dans laquelle il y a du riba, est-ce que c'est possible pour cette personne là qui pour mon frère qui travaille dans cet endroit là il dit المصارف الربوية لها أعمال أخرى, il dit les banques dans lesquelles il y a des intérêts, c'est pas toute personne qui travaille dans cette banque-là qui ça donne directement riba. Il dit fiya a'mal ukhra laysat rabawiyya. Il dit il y a d'autres emplois et fonctions dans cette banque-là qui n'ont pas de relation avec quoi? Riba. A'mal mukhtalifa. Wa bina 'ala hadha fa inna ar-ratib al-akh halal. Il dit donc par conclusion, n'am, le salaire de ton frère, celui qui travaille dans cette banque-là, il est halal. Et avant cela, dans la question, il lui dit il lui a posé la question, il a dit qu'est-ce que ton frère il fait dans cette banque-là. Il a dit je sais pas, yani c'est quoi son poste dans cette banque-là, est-ce que il s'adonne directement au riba ou pas. Il dit je sais pas. Et à la fin il dit quoi, c'est-à-dire il sait pas, est-ce que il pratique le riba ou pas. Là qu'il regarde ce qu'il dit cheikh, il dit fa inna ratib al-akh halal. Le frère dont Cheikh Ubaid, il ignore, est-ce que vraiment il a un poste dans lequel il travaille et ça donne directement au riba, il lui dit quoi, son salaire il est halal. Sans savoir lequel poste il a. Il sait même pas dans quel poste il est désigné, il lui dit directement que ton salaire il est halal. Qui te dit que yani, cette personne-là il travaille pas directement dans, il aurait dit Allahu a'lam. Je sais pas, yani, étant donné que je ne connais pas le poste de cette personne-là dans cette banque-là, année pour sa patois, donc je peux pas te donner une réponse. Je peux pas te dire si jamais son salaire il est halal ou pas, parce que je sais pas quel est son poste dans cette banque là, t'as vu, quel est son rôle dans cette banque là. Je connais pas le rôle, donc je peux pas me prononcer. Là, Cheikh il dit quoi? Fa innahu halal. Son risque, son salaire il est halal. Yani min ayn. Ça c'est du kadib. C'est prétendre, il y a une chose que lui-même il sait pas. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne suis pas les choses dans lesquelles tu n'as pas de science. Là, il a suivi une chose dans laquelle il n'a pas la science. Car il ne sait pas quel est le poste de cette personne-là, lakin, il a déduit et émis une fatwa pour dire que son risque, il est quoi? Il est halal. Son salaire, il est halal. Yani, hadha kadhalika min ajaib fatwa shir. Yani, comme on peut l'observer, constater, il fait prévaloir, quoi qu'il en soit, l'intérêt pour les personnes. L'intérêt pour les personnes. Il facilite le din, comme le facilite un peu les ikhwan. Tout est halal, tout est daroura, يلا يعني كل شيء يعني جائز يعني هذا c'est une fatwa كذلك qui démontre bien تمام la négligence qu'il y a dans نعم la science de Sheikh Ubayd. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى العلم تحري تمام la science il dit c'est avant tout de s'assurer تمام la science c'est avant tout de s'assurer car comment tu peux bâtir un jugement sur une chose sur laquelle dans la base elle est quoi elle est douteuse تمام et tu dois t'assurer avant tout ça c'est parmi les piliers de la science العلم تحري كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. Et quoi qu'il en soit, même si jamais le poste de cette personne-là, Yanni, dans la banque, même si on ne sait pas si jamais ça donne directement riba ou pas, Yanni Ma'ruf, le fait de rester dans ces lieux-là, c'est du ta'awun ala al-shar, comme qu'a dit Allah Ta'ala, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la turpitude, wal-udwan plutôt dans la transgression, tu vois. Wa qad afta bidhalika al-lajna al-da'ima. Haythou, ils lui ont été posé une question dans laquelle il est dit une personne travaille dans une banque dans laquelle il y a du riba, laquelle il n'est pas désigné comme étant il y a une personne qui s'adonne directement au riba. T'as même son poste et autre. Il n'y a aucun lien dans son poste avec le riba. Laquelle il travaille dans ce lieu-là. Est-ce qu'il a le droit de travailler? Faqalou, annahu, ala annahu la yajuz al-amal fil bunuk al-ribawiyya wa illam tata'allaq shughluhu. Ils disent que personne n'a le droit de travailler dans des endroits, dans les banques dans lesquelles il y a de riba, même si jamais son poste là dans lequel il est, il n'y c'est pas directement lié à riba. Pourquoi? Parce que c'est ma'ruf et mina al-ta'awun ala al-ithm wal-udwan. Tu es en train de t'entraider dans le mal. Donc on m'a posé la question, man huwa alladhi afta bihadha al-fatwa, Sheikh Ubayd al-Jabiri. Et pour celui qui, inshallah, veut s'étaler sur cela, on demande de revenir au kitab al-Hujjat al-Kashifa an fitnati al-Jabri wa dalalatihi al-Za'ifa de Cheikh Abi Hatim Yusuf al-Jazairi hafidhahullahu ta'ala, dans lequel il a compilé toutes les fatwas-là qui sont contraires au kitab et à la sunnah et kazalika contraires à la raison. Kazalika, parmi les fatwas qui ont été observées à Cheikh Ubayd, hadahu Allah anahu qala biyash bitajwiz al-istifadah yani min al-majhulin, que tu peux prendre la science même des personnes qui sont quoi dont tu ignores. Les majhoulis, c'est celui que tu ignores. D'où il a pris la science? Est-ce que Naham c'est un salafi? Est-ce que c'est un takfiri? L'akhiri, tu ne connais pas le minhaj et Naham de cette personne-là. Ali majhoul, t'as même inconnu. Est-ce qu'on peut prendre la science de ces personnes-là? Il a dit Naham. Il dit à partir du moment, plutôt Yanni, à condition que tu ne trouves pas dans l'endroit où tu es. Il y a deux personnes qui te donnent la science. Si jamais tu ne trouves pas de personnes qui te donnent la science, c'est comme si jamais tu es dans un cas de nécessité. Donc, tu peux prendre la science même si jamais tu ne connais pas la source de cette personne-là. D'où elle a pris la science? Ou Ibn Sirin, alayhi rahmatullah, faqad qala dans l'affaire qui est ma'ruf, inna hada dinu ilmun, fanzur amman ta'akhud dinakum. Il a dit ce ilm, plutôt, la science c'est un din par lequel tu te rapproches d'Allah azawajal. Donc, il dit, regardez de qui vous prenez la science. Donc, ce affaire-là qui est ma'ruf, qui a été évoqué par l'imam muslim, alayhi rahmatullah, les ulama sont venus, ils sont tous d'accord unanimes sur le sens de cet athar-là, que tu dois prendre la science, t'as même des personnes que tu connais, qui ont une aqidah sahiha wa salima, et kathalika dans le minhaj, t'as même ma'ruf. Ça c'est une chose qui est ma'ruf. Lakin, nata'adjab, yann kaifa, afta bidhalika Sheikh Ubayd, t'as même dans cet athar-là, dans lequel il autorise à l'istifada, t'as même l'istifada, ou le kanan min al-majhoulin. Mais ça, c'est une chose qui est ma'ruf, yani, hatta afta bidhalika, Sheikh al-Uthaymin, tu dois prendre la science des personnes qui sont connues. Et hatta, c'est dans la raison. Les gens, tu les vois dans leur dunya, lorsque c'est une affaire qui est mondaine, il ne va jamais demander le conseil ou il a khirihi, ou maintenant il est malade, il ne va jamais prendre son remède chez quelqu'un dont il ne sait pas. Est-ce que c'est, il est vraiment yani, réputé pour la médecine? Où sa voiture allait en panne, il va chercher le meilleur des mécaniciens. Il ne va pas la donner au premier venu. Là, lorsque c'est le din, il y a une facilité, une aisance. Je donne ma science, je donne mon oreille au premier venu sans savoir d'où il a pris la science, il a akhiri. Donc, ça, c'est des choses qui, même les gens dans la dunya, ils font attention à cela. Donc, si jamais ça a été observé dans la dunya, dans le din, c'est awla, c'est prioritaire. Car qu'il manque à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, An-Nadin, Ismatu Amri. C'est la garantie par laquelle tu vas te retrouver, ou plutôt qui va te donner l'accès pour retrouver les jardins du paradis, Yom al-Qiyamah. Yom al-Qiyamah kadhalika, il y a une fatwa qui est similaire, dans laquelle il a autorisé un âme de prendre le ilm d'une personne qui est takfirée à partir du moment que cette personne-là qui est takfirée ne lui propage pas son poison de takfir, et kadhalika, qu'il est dans le cas où il ne trouve aucune personne autre que ce takfira pour prendre la science. Et on a pu voir kadhalika dans une assise il y en a auparavant, qu'il avait fait une fatwa kadhalika qui est similaire, dans laquelle il avait dit tu peux prendre la science d'un shir qui est fort dans le nahou à partir du moment où qui est fort dans le nahou, et ce shir là il a été observé qu'il avait pas de wala et pas de bara, il a pas de wala et il a pas de bara, et kadhalika ses élèves c'est des hizbiyin. Donc kadhalika on retrouve et on constate et on observe beaucoup de fois que chez Ubayd, il fait prévaloir quoi qu'il en soit, la maslaha, sans prendre en considération la mafsada. Et ça, c'est contraire à ce qu'on a pu voir dans la qawaid al-fiqhiyya. Dar al-mafasid yuqaddam wa awla bijalb al-masalih. Le fait de mettre à distance les ibad de ce qui va être une nuisance dans leur din et dans leur dunya, ça doit être prévalu à quoi ? À l'intérêt, même si jamais on le trouve. Même si jamais on le trouve. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَجُتَنِبُهُ. Et pour finir, Inch'Allah, parce qu'on vous a pris un peu de temps, on ne va pas revenir dessus, Inch'Allah. La fatwa dans laquelle il a, et celle-là, les ma'roufa, mutadawila, dans laquelle il a autorisé. فَكُ السِّحْرِ بِسِحْرِ النَّشَرَ, comme c'est ma'rouf dans Kutub al-Tawhid. Une personne lui a posé la question, lui a dit que j'ai été atteint d'un sihr, on m'a fait de la sorcellerie, et il dit je connais qui est ce sorcier-là. Est-ce que je peux le tuer ? Il a dit là, tu le tues pas. Il a dit, mais si jamais tu sais qui c'est, donc va le voir et demande-lui qu'il t'enlève cette sorcellerie, qui t'enlève le sihr qui t'a fait. Donc dans cette fatwa-là, kathalika, il a fait précéder quoi ? Le remède, c'est-à-dire de sortir de cette sorcellerie, de la sorcellerie, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que même si jamais pour cela, le sorcier, c'est ma'rouf, comme on va le voir avec, à travers les paroles de ulama, as-sahir, c'est celui qui, pour s'adonner à la sorcellerie, il est obligé, et soit, à chaque fois qu'il s'adonne à la sorcellerie, de quoi ? De s'approcher et d'adorer à shayatin. Car les shayatin, ils ne rendent service au sahara, au sorcier, que si jamais cette personne-là, et kazalika rend service au shayatin, c'est-à-dire par l'adoration. C'est-à-dire que là, dans cette fatwa-là, c'est comme si jamais il était en train de lui dire « Je t'autorise à demander au sorcier qui t'enlève sa sorcellerie, demande-lui qu'il se rapproche, ou plutôt Yanni, demande-lui qu'il m'écroit, même si jamais c'est un mécréant, le fait que tu fasses une mécréance, ça rajoute au-dessus de la mécréance. Demande-lui qu'il m'écroit afin que quoi ? Il t'enlève sa sorcellerie-là. » Donc lequel des deux est beaucoup plus grand, le méfait ou bien l'intérêt qui est prétendu. La mécréance, ma'ruf, c'est un méfait qui est khalis, ka shirk fillah azza wa jal. Il est khalis. Donc, c'est impossible. Quoi qu'il en soit, l'intérêt, c'est impossible que cet intérêt-là, il peut être prévalu sur quoi la mécréance? Abedan. Donc là, c'est comme si jamais il autorisait, tamam, la mécréance pour que cette personne-là puisse être sortie de la sorcellerie. Et ça, c'est ma'ruf, tamam. C'est ma'ruf. Lorsque le méfait, il est total, tu peux pas venir. Le cas dans lequel ils ont dit les ulama que tu fais précéder lorsque tu trouves un mal et un bien, c'est celui qui est majeur. Un mal lorsqu'il est total, c'est-à-dire total, il laisse pas un pourcentage d'intérêt. Il laisse pas un pourcentage d'intérêt, mais malgré cela, ça n'a pas été observé dans cette fatwa-là. Al-Imam Ibn Baz, alayhi rahmatullah, il nous dit que n'am al-sihr, il dit al-sihr ibadatun li shayatin. La sorcellerie, c'est d'adorer le shayatin. Et ça, c'est ma'rouf dans Kitab al-Tawhid. Allez dans Kitab al-Tawhid. Ibn Qayyim, kadhalika, il y a une parole sur ça. Dans laquelle il dit, « La yu'mal bis-sihr illa ma'a al-anfus al-khabitha, al-khabitha min al-shayatin. » Tamam. Tu ne peux pas t'adonner au sihr que si jamais tu rends service à qui ? Au shayatin. Et ça, c'est ma'rouf. « Bil-ibada kima qala, kadhalika, inna'am al-allam al-imam al-zahabi alayhi rahmatullah faqala as-sahiru la budda an yakfur. » As-sahir, le sorcier, c'est obligé qu'il me croit. C'est obligé qu'il me croit. Pourquoi ? Parce que le shaitan, pour qu'il rende service, il faut vraiment qu'il se rassure que cette personne-là, elle a atteint un stade dans la mécréance qui peut lui permettre de pouvoir profiter de ces services-là. Et qu'à les cas dans cette fatwa-là, il est observé que il a autorisé d'aller voir les shayatin, d'aller voir les sorciers. Faqala, si jamais tu connais cette personne-là, va le voir et demande-lui qu'il t'enlève le sihr. Donc là, il autorise d'aller voir les sorciers. Waqad qala an-nabi sallam, la ta'tu al-kahana. N'allez pas voir les charlatans. Ma'arouf, c'est ceux qui prétendent l'avenir et l'akhirhi, et parmi eux, les sorciers. La ta'touhum. Il a interdit l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, tu autorises une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quoi? Il a interdit. Comme on a pu le voir, l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt char' kazalika, l'islam, lorsque il interdit une chose, cette chose-là, c'est soit c'est un méfait qui est prépondérant, un méfait qui est majeur, ou bien un méfait qui est quoi? Qui est total. C'est-à-dire que tu ne vas pas trouver, même si jamais tu trouves un intérêt, qui est prévalu sur ce méfait-là. Donc le fait que Nabi Sallam dit « La ta'touhum » n'allez pas les voir, c'est que tu ne vas pas trouver un seul intérêt dans le fait d'aller voir ces genres de personnes-là. Et le hadith il est rapporté par Muslim. « Wa qala l'imam ibn Baz, alayhi rahmatullah, la yadouz at-tadawi min as-sahara » Il est interdit de se soigner en allant voir les sorciers. « Wa inshallah fi hadha al-qadr, sanaktafi » Et Inch'Allah, on va poursuivre cette manzouma dans laquelle on avait commencé. C'était juste histoire de marquer un temps d'arrêt afin que les gens ils ouvrent une bonne fois pour toutes les yeux sur la situation de cette personne-là, Ubayd al-Jabiri, qui d'un côté a une dureté dans la critique, et lorsque c'est le cas des fatawa, tu le vois faire des fatawa qui sont encore, il y a d'une modeste qui est beaucoup plus, et d'un laxisme qui est beaucoup plus grand, et observé chez les personnes comme les Ikhwanis. Tu le vois dans le Jarh, comme là, il n'y a pas longtemps, on m'a fait écouter une charrette dans laquelle il dit que Shir, c'est un matsous, c'est un espion qui est venu pour pervertir la dawa de Shir Mokbel, alayhi rahmatullah. Tu le vois avoir une dureté dans le Dahwa Ta'adil, et une modeste, vraiment, Hatiba, dans les fatawa. Fena'udhu billahi. تعالى من شره ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر العباد بحال هذا نعم المفتي et vraiment que cette personne là n'est pas apte à ce qu'on lui prête l'oreille car on a pu le voir il a une ignorance des normes de l'islam des définitions et كذلك du واقع كذلك du واقع il a des fatawa qui sortent de la raison ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يحسن خاتمه Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, naham, le prochain cours, mercredi, Inch'Allah, la même heure. Afaykum, barakallah. Subhanaka wa ta'ala. Ma'a tahiyyati dammaj.fr.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum. Al-hadar min ar-rukun ila al-zalama min shi'ah aw hizbiyyin. La tarkan ilayhim, haula ith'abi.